sur leur première année de cotisation. Bon ben, envoyez la pub. Offre soumise à condition, contactez votre agent MMA. Vous écoutez France Inter, il est 17h. L'heure de l'info avec Laetitia Gaillet. Il faut encore attendre l'approbation de l'Assemblée générale de l'ONU, mais c'est bien parti pour Antonio Guterres devrait devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Le Portugais a obtenu aujourd'hui le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité. L'ancien Premier ministre portugais était favori. Il devrait prendre ses fonctions le 1er janvier prochain et donc succéder à Ban Ki-moon, le Sud-Coréen. Le Centre américain de surveillance des ouragans l'avait dit, l'ouragan Matthew se renforce. Il est passé tout à l'heure en catégorie 4 sur une échelle de 5. Les vents pourraient à nouveau donc dépasser les 200 km/h. L'ouragan Matthew devrait toucher les côtes de Floride cette nuit. Vladimir Poutine sera en France le 19 octobre prochain. Le président russe viendra s'entretenir avec François Hollande du conflit en Syrie et de la crise ukrainienne. Une visite d'importance pour Sergueï Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères russe s'exprimait à l'issue d'une rencontre à Moscou avec son homologue français Jean-Marc Ayrault, qui lui est présent en Russie pour parler de la résolution que la France compte déposer à l'ONU pour un cessez-le-feu à Alep. Rien ne saurait justifier le déluge de feu sur Alep, a déclaré Jean-Marc Ayrault cet après-midi. Ce soir, la Russie se dit prête à travailler sur le projet de résolution français. En France, 5 à 8 ans de prison pour les trois jeunes nationalistes corses. La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict cet après-midi dans le procès de l'attentat contre la sous-préfecture de Corté en 2012. À la sortie du tribunal, on retrouve Alexandre Sanguinetti. Et vive la patrie! Ce sont les mots de Nicolas Battini, militant nationaliste, un des principaux accusés de ce procès, condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Stéphane Tomazini, lui, a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à la barre, c'est-à-dire que le jeune homme dormira ce soir en prison. Le troisième accusé, Diazep Oumari Aver, dit toujours ensuite, a lui été condamné à 6 ans de prison, tous trois sont condamnés aujourd'hui par la Cour d'assises spéciale, notamment pour l'attentat à la voiture Bélier contre la sous-préfecture de Corté en 2012. Le verdict est jugé lourd par la défense. Nous avions demandé une décision d'apaisement pour nos clients et pour la Corse. Nous en sommes loin, explique Rosa Prosper, un des défenseurs de Nicolas Battini. Même son de cloche pour l'association Solidarita, qui s'occupe de prisonniers corses condamnés pour des faits politiques. La Cour n'a pas saisi la main tendue par la Corse, explique son président Jean-Marie Poli. Mais quelle que soit notre colère, il faut raison garder, conclut-il. Espérant être entendu par une partie de la jeunesse corse révoltée de la décision. Alexandre Sanguinetti, on attend maintenant de voir comment cette décision va être reçue en Corse. Il y a déjà eu des manifestations violentes hier soir à Bastia. 4 policiers ont été blessés. Un député européen de UKIP a été hospitalisé aujourd'hui à Strasbourg lors d'une réunion des députés de son parti au Parlement européen. Stephen Wolf a perdu connaissance après une altercation. D'après des témoins, la réunion en question a été animée et Wolf aurait été poussé contre une vitre qui l'aurait heurté la tête la première. Ses jours ne sont pas en danger, mais voilà qui illustre à nouveau la tension qui secoue le parti europhobe anglais. Mardi, sa présidente Diane James a démissionné 18 jours seulement après avoir succédé à Nigel Farage. Tout est bon pour arrêter de fumer, le paquet neutre, les campagnes d'information. Une nouvelle initiative a été lancée aujourd'hui par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Un mois sans tabac. Le kit d'aide à l'arrêt a été présenté, donc il sera disponible à partir de lundi dans les pharmacies. Les fumeurs pourront le retirer gratuitement. Le top départ du défi collectif sera donné le 1er novembre. Et l'idée, eh bien, c'est d'en faire un événement positif. L'expérience a déjà été menée en Grande-Bretagne, Véronique Julia. Sur les 15 millions de fumeurs en France, 8 millions disent vouloir arrêter. Sauf que c'est dur, qu'au bout de quelques jours, souvent on abandonne. Le mois sans tabac, c'est justement un défi lancé à ces fumeurs. Au mois de novembre, on va leur dire chiche, allons-y ensemble. Des spots télévisés, des événements festifs, des brochures seront là pour les encourager. Brochures disponibles dès lundi prochain d'ailleurs, sur le site notamment de Tabac Info Service. L'une d'entre elles calcule par exemple l'argent économisé à ne plus fumer, 147 euros au bout de 3 semaines quand on fume un paquet par jour. Pour monter l'opération, le ministère de la Santé s'est inspiré du Royaume-Uni qui fait son mois sans tabac tous les ans en octobre depuis 2012. Olivier Smadja est le coordinateur du projet à Santé publique France. Pourquoi un arrêt d'un mois? Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances de rester définitivement non-fumeur au terme de ces 30 jours. Cette opération se fonde notamment sur l'expérience anglaise avec l'opération Stoptober. Lors de la première édition de Stoptober en 2012, l'opération elle-même a augmenté de 50% le nombre de tentatives d'arrêt. On a observé 350 000 tentatives d'arrêt liées à cette opération Stoptober. Alors au Royaume-Uni, on ne sait pas combien de ces tentatives ont conduit à des arrêts définitifs. Le pari du ministère, en tout cas, c'est que même si on ne s'arrête pas tout de suite, cette tentative d'arrêt d'un mois peut initier quand même le processus. En France, le tabac tue 73 000 personnes par an. Véronique Julia, la prime d'activité en France, elle concerne aujourd'hui 2,37 millions de foyers, selon la Caisse nationale d'allocations familiales qui donne ce chiffre. Le dispositif a rencontré un succès plus important que prévu par le gouvernement qui avait débloqué pour ça 4 milliards d'euros pour 2016. La prime d'activité pour aider les travailleurs à revenus modestes est entrée en vigueur au 1er janvier dernier. 17h05 sur France Inter, on va aller à la Bourse de Paris retrouver Antoine Verlin. Antoine Verlin, c'est une fin de journée en légère hausse. Eh oui Laetitia, le CAC 40 se contente d'un petit gain de 0,06% actuellement, il est à 4493 points. Comme prévu, les investisseurs se contentent du minimum avant la publication demain du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Un rapport toujours très attendu car l'évolution du marché du travail américain est déterminante pour la politique monétaire de la Réserve fédérale. Même si maintenant il ne fait quasiment aucun doute que la Fed va bien relever ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Une perspective d'ailleurs favorable aux sociétés financières. Ainsi, en tête du CAC 40, on retrouve Société Générale plus de 80%, BNP Paribas plus 2,11% et puis surtout AXA plus 2,81%. La plus forte baisse de l'indice parisien aujourd'hui c'est Nokia, moins 3,40%. L'euro se négocie à 1,1170$. À Wall Street, en petite baisse, le Dow Jones se replie actuellement de 0,45%. Quant au CAC 40, je vous le rappelle, il est quasiment inchangé maintenant, plus 0,04% à 4492 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce jeudi, le roman graphique s'évade dans le énervé avec un expert du genre, Guy Delisle pour S'enfuir et Lolita Séchant qui signe Les brumes de Sapa. Et puis en deuxième partie, grosse satisfaction, on parlera des Stones. Ça roule pour eux. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour Miss MAF. Alors moins cher. Mais encore. Encore moins cher mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clic MAF Auto sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clic MAF Auto et clac, moins 15%. Avec Clic MAF Auto, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. C'est la MAF. 15% est l'écart moyen de tarif entre le contrat Clic MAF Auto et le contrat AutoMAF. Contrat consultable sur MAF.fr. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site visal.fr. Je n'ai rien écouté, je ne sais pas qui vous recevez. Les auditeurs de France Inter seront ravis de ne pas entendre un de mes jeux de mots pourris. Donc, sobrement, si tu écoutes, j'annule tout, Charline et tous ses amis. Bonjour, Alex Vizorek. Vous n'avez même pas eu l'info, comme quoi elle a préféré Alain Juppé à moi-même. C'est vous l'invité ? Non, quand même pas. Nous avons un grand artiste, abstrait, concret, plein de choses, artiste contemporain. Enfin, comme vous, quoi. Merci, Laetitia Gaillet. Merci, je suis flattée. Je vous annonce tout ça, mais écoutez comment on a préparé, parce que quand on reçoit un artiste, on prépare deux fois mieux. Salut les amis. Salut Charline. Oh là, mais quelle belle journée. Moi, j'allais même balader. Ah moi. Non, me laisse pas seule avec les deux, s'il te plaît. Bah oui, voilà. Qui on reçoit là ? Gérard Fromanger. Ah. L'un des plus grands peintres contemporains. Ah bah oui, obligatoirement, il est contemporain. Mais pourquoi ça ? Bah s'il n'était pas contemporain, on pourrait pas l'inviter. C'est pour ça que Gustave Courbet vient jamais à l'émission. Voilà. Et puis il s'intéresse plus trop à l'actu. Bon, écoutez, les gars, c'est le tout premier peintre qu'on reçoit dans l'émission. Oui, alors je voudrais que vous soyez à la hauteur. Évidemment, je vais me préparer tout de suite. Bah où il va lui ? Bah oui, où tu vas ? Bah je vais acheter des gouaches, du papier à dessiner. Mais pourquoi tu vas peindre ? non, mais vous êtes pas malin. Non, ouais. Je vais laisser traîner tout ça dans le studio, comme si de rien n'était. Et alors ouais. Et bien, ça, si sans lui, il va peindre un truc, et là, bim, on a un tableau d'un grand artiste, ça vaut une fortune. Mais attends, mais c'est génial mais comme oui, idée, ça. Oh. Oh, attends, on refile les thunes à une assoce, et ah puis... Bah, oui. Bah, pourquoi mais non, non, hein, oui, à l'association des concessionnaires Audi des Yvelines, j'ai repéré un modèle, mon gars. Mais ah non, là, ça, Alex, c'est stupide. Moi, quand j'entends ça, ça me donne juste envie de me barrer. Ah non, non, non, me laisse pas seul avec deux. Oui, ben ça va, t'inquiète. J'ai envie de parler d'art aussi, parce que... Aussi, moi, j'aurais beaucoup aimé être la muse d'un artiste, oui, une sorte de Kiki de Montparnasse. Ah oui, chacha de la maison de la radio. Mais on aurait été un couple mythique oui, bah, comme ça, ça va, avec, avec Man Ray, avec Giacometti. Toi bah oui, moi. Ah non, je pense que t'aurais plutôt inspiré Botero ouais, ou Rubens. Ouais. Mais pourquoi vous dites ça? Non, pardon, non, non, c'est pas par rapport à des collègues. Ah, non, mais, non. Aïe, putain, je me suis pris la porte dans les dents. Oh, toi, t'aurais inspiré Picasso comme ça. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui se présente aux primaires de l'actualité et voici les trois informations sur lesquelles on risque d'être élu d'ici 18h. Comme des personnages de vaudeville, les politiques en France sont les champions des fausses sorties. Pourquoi ne lâchent-ils jamais le morceau alors que la retraite c'est... Ce moment est un peu pour moi comme une bénédiction parce que je me dis que demain ben, je verrai plus vos... Tête de con, mais ça quand même c'est... C'est beaucoup de bonheur. L'art moderne peut être abstrait, conceptuel ou absurde, et là où il est peut-être le plus absurde, c'est quand il est un levier fiscal pour un privé ou une société. L'occasion pour eux de remplacer le mobilier habituel. Ça, c'est un compte d'élite, c'est pas un porte-manteau. On pensait vivre de plus en plus vieux, c'était vrai jusqu'en 95. Depuis, l'espérance de vie n'augmente plus, c'est triste pour les personnes âgées, moins pour ceux qui s'en occupent. On va rentrer Yolande, d'accord? Ah non. Non. Je préfère visiter une grotte plutôt que de m'emmerder à l'hôtel et bouffer leurs légumes vapeur, ça me fait chier le mou, non. Et pour me compléter, j'ai fait une affaire que je ferai avec les femmes, mais pas avec de la bière, puisque j'ai troqué une brune belge contre une blonde française. Bonjour Juliette Arnoux. Bonjour Alex, bonjour les autres. Alors aujourd'hui, figurez-vous qu'on va avoir une équipe chatoyante, ah, tant sur le plan intellectuel que capillaire, autour de la table. À 17h20, André Manoukian et ses cheveux, tous ses cheveux de sa tête, tous ses cheveux de son visage et tous ses cheveux sous sa chemise. À 17h30, celle dont les impeccables... Faut lui demander de quoi il va parler. Ah oui, ça n'a pas d'intérêt. Je sais bien que c'est long, mais bon, quand même. Je vais parler d'un technicien de réseau qui vient de faire un tube en remixant le discours d'un homme politique. Ah, oh, suspense. Et on ne sait pas c'est qui. Et on ne sait pas c'est qui. Il s'appelle Khaled Freak. Great. Très bien. À 17h30, celle dont les impeccables cheveux non, noirs... Non, c'est qui non, c'est moi. J'aurais pas préféré. Ouais, c'est, désolé. Bon, alors à 17h30, celui qui infiltre les milieux réactionnaires des vieux hommes blancs grâce à des cheveux gris. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et alors, je suis qui? Eh ben vous êtes Guillaume Meurice. Voilà, c'est ça, bien joué. Eh ben effectivement, je suis allé hier soir aux 50 ans de Valeurs Actuelles, c'était la fête. Non. Hey. Eh ouais les gars, j'ai croisé Jean-François Copé. Est-ce qu'il était choqué? Être choqué pour être choqué, moi je ne suis plus choqué par rien. Eh ben il a changé, Jeff, il est plus choqué. Et dites-moi à 17h40 qui c'est? Eh bien c'est celle dont les impeccables cheveux noirs ressemblent si fort à ceux de Madame Arnoux de l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert qu'on voudrait aller lui voir coiffer en bandeau. Bravo. J'ai nommé Clara Dupont-Mono. Oh oui, ce fut bon. Une apparition. Ça, c'est bon. Oui, ce fut une apparition. C'est dans l'éducation sentimentale de Flaubert, et je vous remercie Alex. Et de quoi il nous parle? D'un livre qui s'appelle Les grands duels qui ont fait le monde, un livre d'histoire. Merci Juliette, vous connaissez donc toutes les couleurs autour de la table, nous manque le pinceau. Notre invité du jour est l'un des plus grands artistes contemporains français. Le plus grand. Le... J'osais pas dire. Parce qu'on connaît André Manoukian, donc on savait pas vous situer entre... Vous vous imposez à Paris dans les années 60 avec un mouvement appelé Figuration Narrative. Vous serez ensuite très lié à mai 68. De 74 à 2015, une trentaine de rétrospectives vous sont consacrées. L'an dernier encore au Centre Pompidou, vous avez peint Sartre, Godard, Michel Onfray, étiez proche de Prévert, Foucault et Gilles Deleuze. Vous êtes Gérard Fromanger. Mais oui, ah, mais oui, oui, bien sûr. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Gérard Fromanger, vous êtes notre premier artiste contemporain. Vous avez même pas été chez Trappenard, je sais pas comment, en interview, un des plus grands artistes contemporains français. Alors, j'ai pris une phrase de vous pour commencer et qui me permettra de vous lancer sur la création en général. Vous dites, ce qui est difficile, c'est pas de peindre ou la peinture, ce qui est difficile, c'est la nécessité de peindre. Vous avez 4 heures. Nous ramassons les copies. Oui, alors c'est très difficile de répondre à ça, mais c'est vrai que... Plus que répondre, sans, commenter. S'il n'y a pas la nécessité, Il n'y a rien. Et vous attendez qu'elle vous tombe dessus, ah, vous la cherchez, vous la flairez. Elle tombe dessus malgré moi. Parce que vous êtes... Parce que s'il n'y a pas la nécessité, je me sens nul, je me sens inutile, je me sens bête. Je me sens un peu moins bête quand il y a la nécessité. Alors ça me fait un moteur, ça me donne un moteur et je démarre. Puis c'est peut-être ça qu'il nous faudrait, nous, la nécessité. Donc vous voulez changer le monde avec votre peinture à petite échelle. Eh bien écoutez, je fais comme... ce poète argentin, comment il s'appelait, le plus célèbre, Borges, qui se trouvait au bord du Sahara un jour, et il raconte qu'il prend une poignée de sable sur sa gauche, il la jette sur sa droite, et il dit « Je viens de changer le Sahara ». Nous, nous faisons pareil. Voilà. Ah oui, donc on peut être une feignasse et y arriver assez facilement. Absolument. Et, ce qui d'ailleurs, tous les artistes sont traités de feignasses, parce que nous passons les trois quarts de notre temps assis sur un fauteuil à réfléchir au prochain coup de pinceau. Alors vraiment. C'est vrai. Ah oui. Là, vous avez de nombreuses rétrospectives, tout le monde vous lance des lauriers. Quand on a été comme ça, dans 68, quand on s'est, comment dire, révolté, comment on se retrouve face à toutes ces choses? Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes bon, que vous voyez, est-ce qu'on est du bon côté de la récompense? Écoutez, on se dit qu'on a gagné quelque chose, en tout cas. Qu'on ne s'est pas battu pour rien, pas complètement pour rien. Et, vous savez, je ne passe pas du coq à l'âne, votre question me donne cette idée-là. J'ai été stupéfié par, épaté, enthousiasmé par la grande manifestation. Et là, j'étais en Italie à ce moment-là, mais j'écoutais tout ça heure par heure, du 15 janvier, je crois, 11 janvier, 15 janvier, 2000. Post-Charlie. Et pour des artistes, pour la mort d'artistes, je pense que s'il n'y avait pas eu les gars de Charlie, 4 millions de Français ne se seraient pas déplacés dans la rue, hélas, pour seulement le super, l'hyper cachère. Enfin, il en a profité, ça a été bien aussi pour tout le monde, mais que 4 millions de gens, ce qui est inouï, inouï, unique dans notre histoire, se déplacent pour la mort, l'assassinat d'artistes, j'ai dit, ah bon, alors finalement, ben là, c'est pas complètement inutile. Un dessinateur, c'est un artiste. Bah bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas le peintre sérieux. Ça, c'est votre côté 68 ou Ah c'est... Non. En 68, certains disaient volontiers, tout le monde peut être artiste. Oui, ou être... c'est non. Ça. Oui, pour goûter, pour aimer les choses. Mais pour les faire, c'est autre chose. C'est long, c'est difficile. C'était pour moi. Je voudrais revenir à cette manifestation parce que je ne veux pas expliquer votre toile tapée, Gérard Fromanger, sur le net et vous les verrez. Mais il y a beaucoup de foule. Et vous dites que c'est la foule qui change le monde. C'est ça qui vous inspire parce que vous peignez des silhouettes en couleurs variées. Bah, la place Tahrir change tout le monde arabe et le nôtre aussi. Tous les dés sont relancés autrement. Quoi. Eh bien écoutez. En tout cas pour un moment. On est une petite foule, on est 6, mais on essaiera de faire ce qu'on peut avec vous, Gérard Fromanger, au Musée des Beaux-Arts d'Agen jusqu'au 16 octobre. Il y a une exposition, une rétrospective de vous, et puis deux expos collectives au Jeu de Paume jusqu'en janvier 2017, et puis aux Archives Nationales du 10 au 23 octobre. Allez voir des tableaux, allez dans les musées. Et nous, on va continuer à parler avec un artiste jusque 18h. Prison call in answer 92's all. You the cold maze, say one. Prison call in answer 92's all. All right. We don't stay in the shoes now. We'll hold build the scene. Then a whole red maybe get the color boss dying. Boss died. When it's the same age, you can't be seen. You never tell another judge to God, believe it's a sham. You'd have come and not choose no bite, but not soul, hope, but just getting on the cover, no time. Oh, but if it's a stand, I'll let you choose to go, my man. You've a costume to match called the Raider Girls. Something. Aye, aye, aye, says, let any girl so go in diesel. Aye. see it till I just know but don't hold while the good time to let face go. We can see it in the center and the shoes are coming in. This is two of the cars that are before while the guy just takes. Hi, hi, my chance, let ain't a kill so go and be a son. Hi. Unicorn and majesty, one piece in combination, I do some, alright. You know, it's you not feel as you can go to the door. There's people that actually like dig yo. Adriano Celentano est, comme notre invité, a la chance d'habiter occasionnellement à Sienne, Gérard Fromanger. Voyons voir si vous êtes un artiste dans la prononciation de titres de chansons. Nous écoutions donc la chanson. Un titre qui ne veut rien dire, qui est absolument incompréhensible. Enfin, je vais essayer de le lire, parce qu'il est très long. Prison Colline, Sinai, Nenchusol. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note pour la retrouver, cette chanson. Et Juliette Arnaud qui est autour de la table avec nous. Oui, et pas que, parce qu'il y a aussi Guillaume Riz. C'est pas vrai. Et Clara Dupont-Rouneau. Oh et André Manoukian. Ouais. N'est-ce pas une belle équipe? Gérard Fromanger, je le sais, vous suivez attentivement l'actualité. Et c'est même souvent elle qui vous inspire. On a tenté avec Guillaume d'en faire un petit résumé. Rendre mon honneur. Ça vous prend. C'est décidément une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence par les titres. Oui, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, est aujourd'hui à Moscou pour négocier un projet de résolution sur un cessez-le-feu à Alep. Voilà, si les habitants d'Alep nous écoutent, désolé, les gars. Pardon. France, à l'initiative d'Anne Pinjot, Gallimard publie les 1218 lettres d'amour que François Mitterrand lui avait adressées. Ouais, bien joué, Gallimard, hein, parce que les éditions Mazarine étaient sur le coup aussi. Oui, ces lettres seront l'interview que vous n'entendrez pas ailleurs. Et j'imagine, Alex, vous avez des brèves. Bah évidemment, parce que... Par là, il n'y aura même pas d'interview, il n'y aura que les brèves. Ouais, génial. Ah, c'est cool. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, est aujourd'hui à Moscou. Demain, il sera aux États-Unis pour défendre le projet de cessez-le-feu à Alep. Oui, donc le gars veut négocier avec Poutine, hein, on est bien d'accord, alors qu'il n'a même pas réussi à négocier avec quelques altermondialistes qui jouent du djembé dans la boue à Notre-Dame-des-Landes. Courage à Jean-Marc. Allez, courage, courage, courage. Primaire à droite, on enchaîne. Nicolas Sarkozy met en garde face au sondage. Et oui, on peut lui faire confiance. Il en a commandé des centaines à l'époque où il était à l'Élysée. Ouais, connaît le dossier. Passons au FN, le Front National. Et deux de ses dirigeants seront renvoyés en procès car suspectés d'un système d'enrichissement frauduleux lors des élections législatives de 2012. Est-ce que vous pouvez me rappeler le slogan du FN? Oui, slogan du FN, c'est « Au nom du peuple ». Voilà, voilà. Voilà, voilà. On y est. Des dirigeants qui passent le plus clair de leur temps devant la justice. Elle l'avait dit à Marine Le Pen, le FN est un parti comme un autre. Évidemment pour les membres du Front National, c'est qu'ils ne seront pas toujours blanchis. Évidemment. Évidemment, on reste pas loin du FN, Alex. Oui, Karine Le Marchand était invitée hier sur le plateau de C'est à vous pour la promo de sa nouvelle émission Une ambition intime et Patrick Cohen lui a reproché d'avoir copiné avec Marine Le Pen. Elle a répondu ceci. Avec tous je trinque, avec tous je ris, avec tous je fais des blagues, je peux pas la traiter autrement. Sinon, fallait pas faire cette émission. Et c'était peut-être ça la bonne idée. Fallait faire cette émission. Et on continue dans la série Les Politiques font des interviews improbables. Bruno Le Maire était le premier à se faire interviewer par Hugo Travers. C'est un jeune youtubeur de 19 ans, étudiant à Sciences Po. Moi, je suis très frappé de voir, je ne sais pas si tu connais les États-Unis, n'importe quel petit Américain. Putain, être Américain, c'est la classe. Il est fier. Moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se dise « Putain, je suis Français ». C'est la classe. Putain, mais ouais, mon Bruno. Mais t'as raison, ma couille, ça déchire sa race d'être français, mais mon ouais, pote. Comment j'ai trop le seum d'être belge, putain, sur la tête de la mer. Hashtag PTDR. Science à présent. Le prix Nobel de chimie a été attribué pour ses travaux sur les machines moléculaires à Jean-Pierre Sauvage. Oui, aucun rapport avec Jacqueline, hein, Sauvage, bah, qui devrait cette année encore passer à côté du prix Nobel de la paix. Eh oui, c'est dommage, on enchaîne avec la technologie. Oui, elle est plus dure, celle-là, je suis désolé. Oui, de nouvelle bougie odorante a été mise en en vente, elle recrée l'odeur d'un nouveau Mac d'Apple fraîchement déballé. Ah, bon, d'accord. Et ça sent quoi ? Ça sent l'arnaque. Ouais, effectivement. Fiscalité, Coca-Cola dissimule ses profits aux îles Caïmans. Et oui, c'est ce qu'on appelle le Coca Zéro. Zéro. Allez, passons au bref, Alex. Allez, vous allez voir, c'est chouette. Allez-y. Alors, Rold Temperton, hein, vous me dites si je prononce bien, Rod, c'est ça ? À mon avis. Hein, Rod, voilà, puisque R.O.D. c'est Rod. L'homme, l'homme qui a composé le tube Thriller de Michael Jackson est décédé. Et oui, donc dans quelques semaines, ils vont retourner le clip de Thriller, mais sans maquillage. Effectivement, et la dernière brève. Et oui, un d'un jeune garçon de 13 ans est né avec une queue de 18 cm. Voilà, il s'agit en réalité d'une déformation de la colonne vertébrale. L'enfant s'est fait retirer la fameuse queue par un chirurgien parce que, explique-t-il, ça l'empêchait de marcher correctement. Ah, mais j'ai pensé que c'était quand on retirait la queue du bas du dos qu'on avait des problèmes pour marcher. Voilà, on enchaîne. Oui. Voilà. Voilà, bon, on est bien informé avec ça. Est-ce que ça vous a updaté, Gérard Fromanger ? C'est consternant, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, Gérard. C'est consternant. Ouais, c'est dur pour nous devant un homme qui est une rétrospective à Pompidou. Mais on aura une rétrospective à Pompidou, Alex. Que des brèves. Eh bien, nous allons parler de la vraie actualité. Monsieur Fromanger, pour avoir votre avis de citoyen, de regard artistique sur les choses. Premier sujet, Jean Garry, qui était notre invité lundi, s'est fendu dans Libération d'un article intitulé « Adieu en politique, une tragicomédie française ». Nombreux sont les exemples de ceux qui ne veulent pas quitter la scène, Jean-Pierre Chevènement, Jack Lang, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Et puis il y a ceux qui partent. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Le vol de nuit s'en va. Destination Bahia. Alors on voit que Charline n'est pas là. Oui, c'est Alex en fait qui s'occupe des sons. Musicalement, vous y perdez. C'est monsieur pas Fromanger. Possible. Charline, Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, featuring Lionel Jospin. Quel regard vous avez sur ces politiques qui s'accrochent, et c'est très français parce que Bill Clinton ou probablement Barack Obama, voilà, c'est fini pour eux, ils passent le flambeau. En France, c'est plus difficile. Oui, je pense que c'est un peu comme ça dans tous les métiers, dans toutes les générations. Vous dites ça parce que vous voulez continuer à peindre. Bah oui. Mais c'est pas pareil. On est d'accord que c'est pas pareil. La seule différence, c'est que moi, il reste les tableaux. Oui. Enfin, pour ceux qui veulent bien les regarder, pour ceux qui veulent bien les voir. Je meurs, je disparais, je m'en vais donc. Je quitte la scène, comme on dit aujourd'hui. Ça m'a toujours fait... Mais il reste les tableaux. Tandis qu'eux, ils s'en vont, ils restent... Qui se souvient des présidents de la République, de la 2e, 3e, 4e République ? Combien ? D'où le côté bâtisseur qu'ils ont souvent tous, parce qu'il y a la notion de trace. Oui, oui, bien sûr. Puisqu'ils oui. savent que leur passage en lui-même ne restera peut-être pas très longtemps dans les annales. Mais vouloir rester, c'est un sentiment humain. Non, mais l'autre différence qu'il y a avec eux, c'est que vous, vous empêchez personne de peindre. Alors que eux, forcément, ils ont des postes et il y a des gens qui ne peuvent pas y accéder. C'est oui. la grosse différence. Moi, je pense que c'est une bataille partout. C'est une bataille féroce, terrible, terrible, partout. Oui, c'est le principe partout. De tous les métiers. Là, il y a quelqu'un qui adorerait avoir une chronique sur France Inter dans l'émission de Charline Vallon-Ecker, mais vous lui prenez la place. Mais je lui laisse la place. Il ne va pas rester bien longtemps. quel regard l'artiste a sur le métier public, sur la politique en soi ? Est-ce qu'ils sont un peu artistes à votre regard ? Bah, Mitterrand était un grand artiste. Un passionné d'art, mais est-ce que ça en fait un artiste ? Ah oui, ça en fait un... Enfin, un magicien, un comédien. Bah, je sais pas, il semble que ces lettres d'amour, j'en ai entendu une ou deux à la radio, là, je ne sais plus, ce matin ou hier, c'est très joli. C'est un long poème d'amour à cette femme qu'il a adorée, aimée, c'est beau. C'est de l'art. Donc c'est vous avez un œil quand même positif sur le métier de dirigeant. Oh, j'ai un œil positif beaucoup sur tout. Oui, c'est vrai. Le reste... Et c'est pas un problème pour un artiste. Souvent on dit que mais qu'est-ce qu'on fait avec le négatif ? Pas grand-chose. Bah, artistiquement, souvent ça revient que c'est quand même dans les plaies qu'on trouve de quoi. Ou dans la colère. Et les chants désespérés, etc. Oui, vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous avez l'air normal, Gérard Fromanger. Oui, mais je suis comme tout le monde. Mais c'est comme rassurant. Tout le monde. C'est les tableaux qui sont pas comme tout le monde. Mais moi, je suis comme tout le monde. Ça, c'est beau. C'est votre œuvre qui n'est pas comme tout le monde. Bon, oui. J'espère. Oui, non, c'est vrai. Vous avez je suis pour ça. Vous le vendez bien. André Maloukian, alors vous avez déjà un point commun, si vous voulez en parler une seconde ensemble, c'est Deleuze. Oui, je lui disais tout à l'heure que j'étais tombé en amour, enfin, devant la pensée de Deleuze à cause d'un seul mot, le mot déterritorialisation. Et tout d'un coup, il avait dit quelque chose que je ressentais sans avoir jamais été capable de le dire. Donc je parlais de mes origines arméniennes, et donc je suis né ici, mes parents sont nés ici, mais je me sentais pas trop comme tout le monde, et tout d'un coup j'entends ce mot déterritorialisation. Un territoire ne vaut que s'il est quitté. Et tout d'un coup l'exil, ça me parle, et c'est là qu'un territoire quitté devient mythique et très gros. Oui, mais c'est comme disait Deleuze, la philosophie c'est une création de concepts. La déterritorialisation, c'est un concept, c'est pas votre métier. Mais vous admirez ce mot conceptualisé par un professionnel de la pensée, disons. Et c'est, on pourrait dire encore plus simplement, faire un pas de côté, par exemple. Et comme disait Deleuze, tiens, quand est-ce qu'elle commence la chronique dans les manichéens ? Alors justement, le philosophe crée des concepts, le peintre crée des percepts et le musicien crée des affects. Et là, voilà le musicien qui arrive et qui n'est pas un musicien comme tout le monde. Il s'appelle Khaled Freak. Oui, oui, oui, Gérard. Nicolas Poussin ne disait pas ça. Ah. Non, il disait la peinture, ma peinture, c'est de la pensée silencieuse. Ah, il se la pétait un peu, hein, Nico. Pas mal. La pensée silencieuse. Ouais. Alors celui-ci, écoutez... Donc, ce ne sont pas que des percepts. Ce ne sont pas que des percepts. Merci. Si vous l'interrompez à chaque fois qu'il fait une connerie, vous n'avez pas fini. Parce qu'on reçoit des mails après. Il n'en touche pas une de bonne. Mais c'est la beauté, c'est abstrait. Lui, il s'appelle Khaled Freak. C'est un père de famille de 34 ans. Il habite le sud, La Ciotat. Il est technicien de réseau le jour et il est remixeur la nuit. Mais qu'est-ce qui nous a remixé ? Figurez-vous qu'il nous a remixé un discours de Jean-Luc Mélenchon. Non ! Et c'est d'une beauté et c'est d'une vérité surtout. Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il coupe un petit peu dans les mots, il ne change pas du tout la teneur du discours, mais simplement il va mettre une technique qu'on appelle l'autotune. Alors l'autotune c'est quoi ? C'est que les ordinateurs aujourd'hui sont capables d'analyser votre fréquence vocale et de lui donner une note de musique. À partir du moment où la fréquence est enregistrée, digitalisée, on peut changer la note, ce qui fait qu'on peut commencer à poser des mélodies là où il n'y en avait pas avec la voix de celui qui parle. Ça va être beaucoup plus clair tout à l'heure quand on va l'entendre. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas ou très peu de trafic. Alors du coup, ça nous interroge sur la qualité d'un discours. Qu'est-ce que c'est au fond un discours politique ? Je pense que depuis que la politique existe dans la cité athénienne, se pose la question du sophiste, du rhéteur et du charme de la rhétorique. Mais quand on parle de charme, là, il faut penser Jean Kelevitch. Jean Kelevitch, dans La musique et l'ineffable, il pose cette question et dit « La musique est-elle un charme ou une imposture ?» Qu'est-ce que ça veut dire, l'imposture d'un discours ? Ça veut dire que tout d'un coup, vous entraînez quelqu'un dans un chemin qu'il ne voulait pas prendre. En gros, il y avait deux sortes de musique pour les Grecs, la musique apollinienne et la musique dionysiaque. La musique apollinienne, elle vous élève. Il envoie, et tout d'un coup, elle vous fait vous rapprocher de la spiritualité. La musique dionysiaque, vous êtes sous la dépendance de l'autre. Le joueur de flûte, par exemple Damelin, qui dans un premier temps va dératiser la ville, hein, puisqu'il va charmer les rats vont quitter la ville, il revient pour se faire payer, on le paye pas, il dit « Ah ben c'est comme ça », il dit rien, il revient pour jouer de la flûte, et là il va embarquer tous les gamins avec lui, et les gens de la cité d'Amelin ne vont plus jamais revoir leurs enfants. Donc celui qui joue de la flûte a du pouvoir sur celui qui écoute. Jean Kelevitch dit encore « Quand quelqu'un vous joue de la musique, on n'est plus qu'un tuyau qui résonne, soit sous les crins de l'archet de celui qui joue, soit sous les lèvres du trompettiste. Pour ce qui me concerne, c'est plutôt la poitrine des chanteuses qui me possède. » Parce que c'est là que sont les cordes vocales. Les cordes vocales qui sont donc l'organe sexuel secondaire ou la porte des dieux au niveau des chakras. Revenons qu'utilise un homme politique. Je vais faire très court. Il y a des punchlines, il en faut. Giscard en 74, vous n'avez pas le monopole du cœur. Chirac, le bruit et l'odeur qui vont être samplés par Zebda. Même Joey Starr qui va reprendre la phrase d'un gars qui s'adressait à Sarko en lui disant « On te voit, on te voit ». Il va en faire quelque chose. Et enfin, l'homme politique emploie des mythes, il travaille style réel, il emploie des euphémismes. La phrase de Sarko en 2012 à propos de la baisse du chômage qui n'avait pas eu du tout lieu, comme maintenant, il a parlé d'une amélioration avec baisse tendancielle de l'augmentation augmentation du nombre de chômeurs, cette augmentation sera modérée. C'est génial, quoi. Il y a le pléonasme. Le pléonasme, c'est la démocratie participative. Démocratie, fatalement, c'est le peuple, donc voilà. Et il y a l'anaphore. Mais on va écouter tout de suite Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est lui le patron des rappeurs. Des hypocrites! Des hypocrites! Ils défendent les droits de l'homme, mais quand M. Sarkozy a été rencontré le roi, là-bas, le roi d'Arabie Saoudite au Maroc, il lui a dit, dites monsieur les droits de l'homme, vous allez arrêter de fouetter à mort ce type qui a écrit un blog qui ne vous plaisait pas. Et quand monsieur Hollande a privatisé un bout de la plage, on l'a donné au roi d'Arabie Saoudite, on l'a donné au roi d'Arabie Saoudite, il lui a dit, dis donc, faudra pas y aller en Burkina, y aller en Burkina. Non, bien sûr que non. Hypocrite. Hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Ils défendent les femmes. Le gouvernement français a-t-il dit au gouvernement israélien que nous ne supportons pas qu'un ministre là-bas refuse de serrer la main dans des nôtres parce que c'est une femme, parce que c'est une femme. Quand est-ce que la protestation a été émise? Jamais. Jamais, jamais, quand est-ce que la protestation a été émise? Jamais, jamais, jamais, hypocrite, hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Vous prétendez mettre l'État à distance de la religion, mais tous les deux, Sarkozy et Hollande, vous avez accepté d'être chanoine de la trompe, c'est-à-dire curé d'honneur du pape. Vous êtes là à vouloir séparer les religions de l'État, mais est-ce que vous n'avez pas signé les traités européens qui affirment que la pratique du rite en public est une liberté fondamentale? Vous l'avez signé, pourquoi alors est-ce que cette liberté fondamentale, ça ne marcherait que pour votre religion? Ah oui, hypocrite! Hypocrite. Et voilà, ça c'est une punchline mise en mélodie qui sert le discours de Mélenchon sans le... Gérard Fromanger, vous en pensez quoi de cette technique? Vous faites un petit peu la même chose avec vos séries d'hommes, non? Vous faites de la musique sérielle ou pas? De la peinture sérielle? C'est trop savant, ça. Vous pouvez dire non. Mais, hein. Mais c'est vrai, parce qu'il a beaucoup de silhouettes hein, dans ces séries, tableaux. Je fais les séries. Séries, voilà, c'est ça. C'est ça qu'aimait bien Deleuze, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il a connu Deleuze. Donc. Parce que l'idée, c'est qu'avec un seul tableau, on ne peut pas tout dire. Donc, faut en faire. Une fois, j'en ai fait 105. Sur le même. Van Gogh, par exemple, dans ses derniers jours, il en faisait 8 à 10 par jour. C'est fou, hein. Tableau. Vous avez toujours votre oreille. Oui. Voilà. On ne peut pas tout avoir non plus. Heureusement, parce qu'il a des lunettes. Allez les voir, comme il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup d'expositions, rétrospectives au musée d'Agen, et puis deux expos collectives au Jeu de Paume, autour du philosophe et historien de l'art Georges Didi Huberman, et Pavillon de l'Exil, première escale aux Archives Nationales. Il y a des fromangers partout en France, et c'est important. De notre ami Guillaume Meurice, oui, c'est moi. Il est partout en France, mais pour d'autres causes. Oui. Hier, vous étiez un peu comme un poisson dans l'eau. J'étais à la teuf, c'était la teuf, hier soir aux Invalides, Alex. Les 50 ans de Valeurs Actuelles. Alors, il y a des gens, évidemment, qui disent, oui, c'est une revue qui porte mal son nom, on l'appellerait Valeurs des années 30, ce serait plus honnête. Eh ben non, moi, je trouve ça discriminatoire, je suis désolé. Valeurs Actuelles regroupe une communauté de pensées, des gens qu'on essaye de faire taire. D'ailleurs, ils vont de plateau en studio pour dire à longueur d'antenne qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et moi, je lutte souvent pour les exclus. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Oui, donc, je suis allé à leur rencontre hier soir. J'ai assisté à un beau discours du président du comité éditorial, François Dorcival. C'est très, très émouvant. Mais c'était un tout petit peu surprenant quand, à la fin du discours, il s'est mis à chanter. Stupeur dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un appel à la prière, putain. François Dorcival va annoncer sa conversion à l'islam. Valeurs Actuelles va devenir l'organe de propagande du grand moufti du 16e arrondissement. Suspense et crispation. Alors, remettons l'extrait, le moment de stupeur qui suit, et puis la suite. À la santé de nos frères, et pas les frères musulmans. C'est bon, tout va bien. Gros soulagement dans la salle. Alors, une salle bien garnie, hein, évidemment. Tous les ténors de la droite étaient là. Par exemple, un certain Patrick Buisson, qui fait la une de l'actu en ce moment avec ses enregistrements de Sarkozy. Je suis allé le voir. J'avais rien à dire, franchement. Et si je vous enregistre comme ça, discretos? Non. Et je vous le dis pas? Non. Ça serait quand même l'ironie de l'histoire. Ouais. Ouais, il est parti là-dessus. Forcément, le gars connaît les techniques d'enregistrement clandestin. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire de vieilles crasses. Mais c'est pas grave, il y avait plein d'autres amis de Valeurs Actuelles. Revue, qui a été d'ailleurs condamnée dernièrement pour incitation à la haine raciale. Qu'en pense Jean-François Copé? Je suis persuadé que vous ne poseriez pas les mêmes questions sur d'autres journaux qui parfois, eux aussi, ont dérapé. Et me dites pas si, je ne sens pas que de la bonne foi dans ce que vous me racontez. Ah. Mais est-ce que vous êtes de bonne foi toujours? J'essaye, ouais. Est-ce que je peux prendre des leçons de bonne foi auprès de Jean-François Copé? Moi, je ne donne plus de leçons à personne. Vous savez, la vie est suffisamment difficile comme ça. Et j'ai traversé quelques épreuves qui m'ont laissé à penser, comme Jean Gabin, que je ne sais qu'on ne sait jamais. Oh, la sagesse! La sagesse de Jeff! C'est beau, un homme qui prend du recul sur les choses. D'ailleurs, quand même beau. Tiens, un autre exemple de sagesse était là, c'est Claude Guéant, évidemment. Qu'est-ce qu'il pense des unes tapageuses de Valeurs Actuelles, Claude? J'ai l'impression que c'est une caractéristique qui est partagée par beaucoup d'hebdomadaires ou de journaux qui cherchent à avoir des lecteurs, ce qui n'est pas quelque chose qui soit condamnable quand même. Hein. Mais eux, ils ont été condamnés par contre par la justice. Très franchement, je pense que la justice a d'autres choses à juger que des propos complètement anodins. Tu m'étonnes, Claude, tu m'étonnes. Puisque la justice, elle a jugé toutes tes affaires, mon pote. Puisque la justice, elle a jugé toutes tes affaires, mon pote. L'ancien ministre de l'Intérieur, il va y retourner à l'intérieur, mais à l'intérieur de Fleury-Mérogis. Alors évidemment, l'égérie de Valeurs Actuelles était là, hein. Marine Le Pen, bien sûr. Alors cette ligne éditoriale et ses unes racistes, est-ce que ça la choque? Non, ça ne me choque pas du tout. Je considère que ces poursuites sont bien souvent de véritables persécutions à l'égard de ceux qui évoquent l'immigration et l'ensemble des problèmes qui en découlent. Parce qu'on avait plutôt l'impression que c'était les immigrés qui étaient persécutés, c'est pour ça? Ah oui, ben vous, oui, France Inter, vous pensez que ce sont les immigrés qui sont persécutés? Moi, je pense que ce sont ceux qui parlent de l'immigration qui sont persécutés. Alors peut-être. Hein. Nous, on pensait que l'immigration, ce sont des gens qui fuyaient les persécutions, mais en fait, non. Ce sont les gens qui laissent les réfugiés se noyer en Méditerranée qui sont persécutés. On apprend des trucs. Alors moi, attention, je ne représente pas France Inter, mais bon, je fais passer le message. Hein. France Inter, tu n'es pas assez tolérante avec les gens intolérants. Voilà, c'est comme ça. On devrait peut-être inviter plus souvent Bachar el-Assad pour parler droits de l'homme, Émile Louis pour parler protection de l'enfance. On invite bien André Manoukian pour parler musique. On voit où est le problème. Je le dis, voilà, il faut davantage de pluralisme sur cette antenne. Alors à ce titre, je voulais interroger Éric Zemmour à ce sujet, hein, qui était là également. Mais il n'a pas voulu. Hein. Il était chiffonné, il était flappy, Eric. Mais heureusement, Elisabeth Lévy, hein, la madone de la droite décomplexée, était là. Et elle m'a dit direct, alors moi, je veux bien vous parler, mais vous n'oserez jamais diffuser ce que je dis. Ah bon, moi, je suis un gars, à la base, j'aime bien les défis. Alors, je vais diffuser ce qu'elle dit. Vous avez renoncé à une partie de la France. Les gens comme Yvan Rioufol, comme moi, comme Zemmour, ne sont jamais invités sur France Inter, alors qu'on a le droit du lordon. Oh, vous êtes invité partout ailleurs, jamais, ça va? Jamais ça, c'est des conneries, mais on s'en fout. Donc le service public, c'est peut-être fait pour équilibrer toute la parole qu'il y a ailleurs, c'est peut-être. C'est incroyable. Je paye votre salaire et vous vous foutez de ma gueule. Non, Babette, là. On va se détendre un petit peu la nouille, madame. On vous a repéré, en tout cas. Attends, je sacrifie ma soirée pour donner la parole à Babette sur le service public et je me fais engueuler. Non mais alors, bon, continuons à en parler pluralisme. Vous me regardez avec un air terrifié parce que vous ne vous en rendez même pas compte. Moi j'ai un air terrifié là. Oui, ou pas terrifié, égaré. Vous ne comprenez pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais si, j'ai compris. Depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien, vous n'entendez pas que ce que je dis est sérieux. Ah, peut-être parce que vous aboyez alors, c'est pour ça c'est compliqué. Ah bah alors ne m'interrogez pas, je parle comme ça. Interrogez quelqu'un de plus calme. Mais monsieur Zemmour, il a pas voulu me parler. Mais vous, c'est vraiment minable. Donc excusez-moi, je suis votre doublure, alors je vous le dis, j'aboie. Sois pas vexé comme ça, ma bête, enfin. Elle a pas aimé. Non, mais en plus, j'ai rien contre les gens qui aboient. J'ai moi-même un excellent ami espagnol breton. Bon, alors on n'était pas parti pour se concilier et ça s'est pas arrangé quand je lui ai dit que je travaillais pour l'émission Si tu écoutes, j'annule tout. Parce que ça lui a pas trop plu à Babette. Non, c'est avec le Charline machin. Charline comment? Non, je refuse Charline... d'être dans cette émission. Alors elle, je la mets. Je refuse. Je refuse de diffuser dans l'émission de cette connasse. Vous pouvez lui dire. De cette connasse. Oui, on a bien compris, Elisabeth. Alors, évidemment, je ne me serais jamais permis de diffuser dans l'émission de Charline Machin. Ah, d'ailleurs, si cette Charline Machin se reconnaît, elle pourra toujours porter plainte pour injure publique et ainsi gagner jusqu'à 12 000 euros en correctionnel, comme on dit à une soirée d'anniversaire. C'est cadeau. Eh ben, dis donc. Mais il était quelle heure? Bon, il devait être 20h30, quelque chose comme ça. Mais il y avait ça, eu cocktail ou pas? À 19h. Il y avait cocktail. Il y avait cocktail. Mais je pense qu'elle n'a pas besoin de beaucoup boire. Un petit commentaire, Gérard Fromanger, vous qui avez peint des réfugiés dans des radeaux. Ben oui, c'était, c'était un des tableaux qui va être exposé là, là, d'ailleurs, dans cette exposition qui s'appelle Exil, organisée par Mounir Fatmi, et qui va avoir lieu aux Archives nationales, dans, dans des très, très beaux locaux. C'est un tableau, effectivement, qui représente, un, dans le temps, on disait un bombard, un dinghy, un bateau en, en caoutchouc, là. Petit, avec, comme d'habitude, une foule dessus. Et tous les passagers sont multicolores. Mmh. Et au-dessus, il y a une, des gens qui se promènent sur les Champs-Élysées qui sont exactement des mêmes couleurs. Et le même nombre de gens. Pardon ? À peu près le même nombre de gens. Et à peu près le même nombre de gens. Voilà. Et bien voilà. Chacun son bateau. Voilà, valeurs actuelles. Ira mais les couleurs critiquer. Sont les mêmes. votre tableau. Sujet 2, on va parler d'art un peu et du marché de l'art. Les œuvres d'art bénéficient en droit français d'une fiscalité à la fois spécifique et attractive, selon le législateur. Si c'est pas beau, ça, on peut être mécène en faisant des économies, ou alors évader fiscal en étant esthète. Art et argent, un couple antinomique ou inséparable l'un de l'autre. Vous avez travaillé un peu ? Joli, hein ? Ah, très bien, très bien. 400. Oh, ben non, monsieur Bézeret, tout augmente. La viande, le beurre, les œufs, c'est pas... Eh ben alors, 300. Ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est une gare. Une petite gare, une petite. Bah, 200. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, celui-là, je pensais vous le laisser. Ah non, non, mais je veux le payer, moi, alors. Oui, enfin, vous le laissez à 700. Ah ! Il y a des heures de travail, il y a la toile, les peintures. Et puis, le temps que ça sèche, quoi. Et puis le temps que ça sèche. Pour faire assez brièvement, parce que effectivement, quand on est un particulier, les œuvres d'art ne rentrent pas dans l'ISF. Quand on est une société, si on achète des artistes vivants et qu'on les expose dans les lieux accessibles, eh bien, on a aussi l'occasion de déduire de son résultat annuel. Alors, moi, je trouvais que c'était amusant d'avoir l'avis d'un artiste. Est-ce que vous n'en avez rien à fiche de ça? Ou est-ce que, quand même, ça vous titille? Ou vous trouvez ça plutôt bien de donner envie aux gens d'acheter de l'art? En gros, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon idée. Moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Mais vous me demandez un avis. De temps en temps, quand même, ça me traverse la tête. Et je me dis que... Je me rappelle les années où il n'y avait pas de loi comme ça, ou de petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, des niches fiscales ou des détaxations d'œuvres d'art, etc. Mmh. Ça n'existait pas. Et on le regrettait. Tout le milieu de l'art le regrettait, parce qu'alors, beaucoup d'artistes partaient ou à Londres, ou à Milan, ou à New York, ou etc. Parce qu'il y avait des amateurs, il y avait des collectionneurs. Les entreprises pouvaient, justement, défiscaliser, pas beaucoup, mais enfin un petit peu. Et quand c'est arrivé en France, c'était plutôt une bonne chose, je trouve. Oui. Ce qui avant était les Peggy Guggenheim et qui repéraient les artistes au départ et qui les suivaient, aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font ce travail-là et qui leur achètent leurs œuvres pour leur permettre de vivre. Il y a aussi les entreprises, mais ce sont très minoritaires. Il y a encore des mécènes. À ma génération, il y avait 3 collectionneurs en France. 3. Pas beaucoup. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il doit y avoir 300, 350 de bons collectionneurs. Il doit y en avoir 10, 12 000 de petits collectionneurs. Enfin, je veux dire, il y a... et je crois que ça doit beaucoup, il faut le dire, ça doit beaucoup aux lois langues, aux créations de FRAC, de fonds régionaux d'art contemporain, etc., qui ont suscité, qui ont amorcé la pompe dans les amateurs possibles dans le milieu de l'art. Vous serez à la FIAC aussi, vous ? Absolument. Ah, si on peut vous acheter. Absolument. Là, je dis ça, à la galerie Jeanne Bûcher. Voilà. Hein, oui. On peut vous, ne fût-ce que mais les pas, voir. Mais pas, comme on dit en bon français aujourd'hui, un solo show. Non. Pas de one-man picture show. Non. Clara Dupont-Menot, l'artiste de cette émission. Oui, en parlant de show. Puisque l'actualité, monsieur Fravanger, c'est aussi la bataille entre Hillary Clinton et Donald Trump, qui n'en finit pas de nous passionner. Le prochain débat aura lieu le 9 octobre. Et on verra cette fois si c'est Hillary Clinton qui, à nouveau, sort vainqueur de cette manche. En tout cas, sous nos yeux assez ébahis de public français, se déroule quand même le face-à-face entre deux monstres. Et je trouve que c'est là où ça devient assez romanesque. Je ne sais pas si vous avez suivi les élections un peu américaines, vous suivez un peu la campagne. Un petit peu, oui, un peu, comme tout le monde, un peu. Est-ce que ça vous passionne ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de romanesque dans ce face-à-face, entre deux entités comme ça ? Vous pouvez me définir le mot romanesque dans cette occasion ? Vous allez voir. Romanesque, ça veut dire que c'est un duel. Vous voyez, un vrai duel. Le duel américain, là, on va dire que la taille du pré, en fait, c'est le globe, et que les témoins, c'est une foule planétaire, et que les armes, ce sont les phrases. Mais je trouve que le romanesque est dans cette idée de duel. On sait maintenant que l'ennemi, c'est à peu près la présence peut-être la plus fidèle qu'un puissant pourra connaître. Eh bien oui, parce qu'en fait, la vie de château, les soldats, les parades, les conseillers, tout ça, ça disparaîtra. Seule subsistera réellement la figure de l'ennemi. En tout cas, ce que je viens de vous dire, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que rappelle un livre que je vous reconseille chaudement, puisque vous aimez l'histoire. Je crois que nous en avons parlé un tout petit peu avant l'émission. Le livre s'appelle « Les grands duels qui ont fait le monde », sous la direction de Alexis Brézet et Vincent Trémollet de Villers. Il est paru chez Perrin. Et les auteurs ajoutent « Le plus souvent, le prince, qui n'estime que lui-même, trouve dans son adversaire la dernière limite à sa domination. Il l'admire pour cela, il le hait pour les mêmes raisons. » Si ça, c'est pas romanesque, vous êtes d'accord ? Bien sûr. Je vous donne un exemple. Octave, dans l'Antiquité romaine, il hérite des trois quarts des biens de César. César lui a fait un testament, il a laissé un testament, et il donne les trois quarts de ses biens à Octave. Et évidemment, le testament est contesté, notamment par Marc-Antoine, s'engage une rixe entre les deux, ça se passe mal, le conflit éclate, et il va durer 14 ans. Je cite, « Tous deux savent d'emblée qu'il ne s'achèvera que par l'élimination de l'un d'entre eux, un affrontement à l'échelle du monde. » Et ces mots peuvent s'appliquer donc au duel Trump et Clinton. Vous voyez comme quoi les passerelles qu'on peut faire parfois. Ça ne veut pas dire que les ennemis ne s'estiment pas. Et là surgit un duel, moi, que je trouve un des plus fascinants de notre histoire contemporaine, qui est le duel Kennedy-Khrouchtchev dans les années 60. Ces deux-là, l'Américain et le Soviétique, ils étaient opposés en tout, et pourtant, ils se respectaient profondément. Ils ont tenu dans leurs mains l'avenir nucléaire du monde, quand même, ça n'est pas rien, et pourtant, ils ont réussi à garder le cap. C'était pas gagné parce que Khrouchtchev, pendant très longtemps, a considéré Kennedy comme un blanc-bec inexpérimenté, et de son côté, Kennedy dira, en sortant d'une rencontre, il dira « C'était comme négocier avec papa, tout donner sans rien recevoir en échange ». C'est quand même pas mal, je trouve ça génial comme phrase. Et pourtant, noblesse de rigueur. Par exemple, le KGB savait que Kennedy était atteint d'une maladie assez rare, qui s'appelle la maladie d'Addison. Entre parenthèses, Kennedy ne l'a jamais dit. Et je cite l'historien Georges Ayache, « Si jamais les lecteurs avaient découvert ce secret médical, sans doute le mieux gardé d'Amérique, Kennedy n'aurait pas eu la moindre chance d'accéder à la Maison Blanche. » Donc Donald Trump a bon dos quand il charge la mule côté bronchite de Hillary Clinton. Mais enfin, passons. Or, Khrouchtchev ne se servira jamais de cette information médicale. Et de son côté, Kennedy ne va jamais humilier Khrouchtchev. Et quand le 27 octobre 1961, les chars américains se tiennent face aux chars soviétiques pendant des heures à Checkpoint Charlie sur le mur de Berlin, et que le monde entier retient son souffle, eh bien les deux puissants vont garder leur sang-froid et personne ne va tirer. Finalement, c'est Kennedy qui gagnera la bataille. C'est lui qui meurt en premier. On verra la femme de Khrouchtchev signer en larmes le registre de condoléances. Et Jackie Kennedy écrira à Khrouchtchev une lettre inattendue, extraordinaire, où elle lui dit « Vous et lui étiez adversaires, mais vous étiez alliés dans votre détermination à ce que le monde ne soit pas détruit. Les grands hommes savent qu'il est nécessaire de se contrôler, de se restreindre. Les petits sont motivés par la peur et par la fierté. » Alors Donald Trump, je sais que tu écoutes France Inter, médite cette chronique. Pour cela, je te donne les références que tu retrouves, Donald, dans le Parisien Magazine. « Les grands duels qui ont fait le monde » est paru aux éditions Perrin. Il dit beaucoup le Parisien Magazine en plus. Donald Oui, si. Bah, entre milliardaires. Si, non, parce que Donald, il n'est pas dit qu'il sache lire non plus. Oui, il doit être moins riche que Bernard Arnault. Juliette Arnault, je vous ai sous-traité le troisième sujet, c'est à vous. Oui, alors le séisme provoqué par le braquage écologique des bijoux de Kim Kardashian, écologique parce qu'il a été fait à... Vélo. Bravo Alex. Yes, pas mal. Donc le braquage écologique des bijoux de Kim Kardashian a failli totalement nous priver d'une autre nouvelle. La durée de vie humaine aurait une limite biologique. Plus explicitement, à part le père Fouras, Jeanne Moreau et Dracula, personne ne passera 125 ans. Sacrée tuile, parce que déjà qu'être vieux tout court, c'est pas facile. Tiens, aux alentours des années 12, avec Holblès quand il avait encore ses rhumatismes et puis que moi j'étais pour verminer par l'ange, et ben on faisait un drôle d'équipage avec le talon. Aussi bien à la chopine qu'à la mazurka ou passe-fesse, ça y allait la manœuvre. Hein, dis, val si ça y allait, hop. Mais en attendant, tu n'oublies pas, la soupe à 7 heures, que je ne sois pas obligé de t'embarquer par la peau du cou comme samedi passé, hein. Hé, t'as vu comment il me cause, ce grand couillon-là? Il me traite comme un vieux, et ça me fait malice. Il couchait tôt, et la tisane, et la flanelle, bon. C'est pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir. Les vieux de la vieille, Gilles Grangier 1960, Jean Gabin, Pierre Fresnay, Noël Noël. Oui, donc des chercheurs américains, tout ce qu'il y a de plus scientifique, après études sur des super centenaires. Alors qu'est-ce qu'un super centenaire? C'est quelqu'un qui a dépassé 110 ans. Hein, c'est quasiment un mec qui a des super pouvoirs, c'est pour ça qu'on l'appelle super centenaire. Hein. Donc ils sont arrivés à la conclusion que l'âge maximum du décès, qui avait toujours augmenté, a atteint un plateau en 95. Mais on s'en aperçoit que maintenant. Donc en fait, c'est une nouvelle qui n'en est pas une. Et donc, en gros, l'espérance de vie... Ça ne monte plus. Depuis 1995, non, André, je ne vous accorde pas la parole. Il y a un biologiste anglais qui a fait une conférence sur TEDx en disant « L'homme qui va vivre 1000 ans est né ». Parce qu'il voulait vendre son livre. Quel est votre regard là-dessus ? C'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça il y a un mois ou deux. De ces savants qui ont trouvé le système, enfin, qui disent que dans peu de temps... Oui, alors dans peu de temps, dans la bouche des scientifiques, c'est ça le problème. C'est comme moi quand je donne... Je pense qu'il faut mourir le plus jeune possible, le plus tard possible. Mais enfin, vous ça, êtes oui. en pleine forme, qu'est-ce que vous nous racontez, vous? Non, mais il ne parlait pas de lui, Alex. Non, je sais bien, mais le plus jeune, le plus tard, ça veut dire... Et quand ça s'arrête la jeunesse, c'est-à-dire le plus tard possible, on va lui arrêter vite fait. Oui, parce que, par exemple, là, vous m'auriez invité dans un million d'années si on ne mourait pas. C'est vrai, mais votre attaché de presse m'a dit OK. Pour ça, c'est réglé. Mais cette histoire de... Oui. Est-ce que vous l'anticipez, ça, vous vous dites, oh, bon, j'aimerais bien vivre jusque-là, ou jusque-là. Ça dépend à quel âge. À quel âge on le conserve. Mais si ça, je peux ça vivre dépend. 1000 ans à l'âge de 20 c'est ans, plutôt la qualité de la vie. Oui, ça dépend comment on vieillit. Est-ce qu'il vaut mieux mourir à 95 ans à peu près vaillant ou mourir à 130 ans en étant momifié? Il y a quand même une différence. Est-ce que le soleil toscan aide? Ah, le soleil toscan. Les Toscans, eux-mêmes, le soleil, il est le même partout. L'huile d'olive toscane. L'huile d'olive toscane. C'est là que vous peignez. Absolument. Cela dit, si je peux me permettre, oui, Google, quand ils ont lancé leur entreprise Calico, ils n'ont pas caché leur envie, leur volonté en tout cas, de lutter contre les effets du vieillissement, autrement dit, de viser l'immortalité. Mais ici, c'est basé sur des statistiques et pas tant sur ce que éventuellement... Les chiffres, ils ne bougent plus. Et depuis 1995, on s'en rend compte un petit peu plus tard, mais les chiffres, ils ne bougent plus. Il y a l'idée aussi que tout ça est très gênant, les muscles, les bras, les jambes, ça, qu'on nous remplacera tout ça. Alors là, on peut durer 1000 ans. Voilà. C'est terrible. Écoutez, on va surtout profiter que vous soyez là. Oh, c'est gentil. Manger, parce qu'en fin d'émission, on a le défi à l'invité. On lui propose un sketch. C'est déjà la fin, ça a tellement envie. On lui propose un sketch. Vous a commandé une énorme fresque. Donc, je n'ai pas le choix, il faut que je le lise. Alors, c'est comme vous n'avez absolument pas le choix. Tous les jours, les invités découvrent. Et personne nous en veut. Vous allez être commandé. On va vous commander la fresque. GM, c'est qui GM? C'est Guillaume Meurice. Alors, vous, c'est le surligné. Et voilà. On y va. La fresque est commandée pour le quinquennat de François Hollande. Et c'est vous qui avez été choisi. Alors, monsieur Fromanger, cette fresque des années Hollande, ça avance? Ah oui, oui, c'est un quinquennat très inspirant. Ah oui, alors on pense aussi. Ah oui, oui, c'est un quinquennat très inspirant. Ah oui, alors on pense aussi. D'ailleurs, on a l'endroit où la placer. Génial, au Louvre? Non, un endroit emblématique de l'action de François Hollande. C'est pas l'Arc de Triomphe? Non, ce sera à Florange. Ah oui, bonne idée, y envoyer Montebourg. C'était déjà un happening d'art contemporain. Alors, vous avez déjà une idée de la couleur? Vous savez, moi, j'aime le rouge. Ouais, c'est parfait. Disons que ça m'ennuie un peu parce que le rouge, c'est la couleur du socialisme. Oui, et donc? Ben, comme la peinture doit représenter le mandat d'Hollande. Parfait! Du rouge. Et s'il en manque, on ira chez Castorama. Oui, envoyez un centriste, ça lui fera plaisir. Bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on a dans votre tableau? Bien sûr, François Hollande. Très bien, en grand. Manuel Valls. Oui, on est obligé. Emmanuel Macron. Non. Alors ça, non, mettez Jean-Vincent Placé. Ah, bah, il me faudra du vert. Non, il n'est pas tellement plus vert qu'un dirigeant de Total, Jean-Vincent. J'ai aussi du gris pour le chômage et la misère. Oui, et du rose pour le mariage pour tous. Et du jaune. Mais pourquoi du jaune? Pour vos électeurs, ils se sentent cocus. Oui, enfin, ce qui compte surtout, c'est que votre fresque soit extraordinaire. Ah non. Elle doit être normale. C'est un président normal. Ouais, écoutez, tant qu'elle résiste à la pluie... Et vous avez pensé à ma rémunération? À votre quoi? Ma rétribution pour la fresque. Ah, mais vous allez rire, mais comme c'est un hommage à François Hollande... Et que son adversaire, c'est la finance... Eh bien, écoutez, je l'ai. Vous avez rajouté la réplique. Merci beaucoup Gérard Fromanger, un artiste contemporain qui a beaucoup d'humour et qui a passé une heure avec nous. On peut voir votre tableau parce que c'est dans votre art qu'on vous retrouve le mieux, au musée d'Agen jusqu'au 16 octobre, et puis deux expositions collectives au Jeu de Paume jusqu'au 15 janvier, et aux Archives Nationales, Pavillon de l'Exil, première escale jusqu'au 7 novembre. Merci, continuez à suivre l'actualité. à la peindre, à en rire. Merci à vous. Et à mettre de la couleur dans vos tableaux. Merci de votre gaieté. C'était un honneur. Merci André Manoukian, merci Clara Dupont-Mono, merci Juliette Arnaud. Demain, Charline revient, nous serons au Grand Palais. Merci Guillaume Meurice, c'est en public, vous êtes les bienvenus, on vous attend. On va rentrer, Yolande, d'accord ? Ah non ! Non. Je préfère visiter une grotte plutôt que de m'emmerder à l'hôtel et bouffer leurs légumes vapeur, ça me fait chier le mou. Non ! MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en deux minutes pour mon assurance auto ? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment ? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en deux minutes ? Voilà, mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi ? Oh, merci, Miss MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. C'est la MAF. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 35, service et appel gratuit. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, enfants plus, jeunes, week-end et seniors plus, sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur sncf.com. SNCF. Participez au concours Radio France de la micro-nouvelle et testez vos talents d'écrivain. Vous avez jusqu'au 16 octobre pour proposer un récit de 1000 signes sur le thème de la liberté. Le lauréat recevra son prix des mains de Tahar Benjelloun lors de Radio France Fête le Livre le 25 novembre prochain à la Maison de la Radio à Paris. Rendez-vous dès maintenant sur radiofrance.fr. À vos stylos, à vos claviers. Il est 18h sur France Inter. Gérard Fromanger et moi-même vous saluons, Nicolas Demorand. Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonsoir Alex Vizorex. Bonsoir Gérard Fromanger. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter, édition spéciale en direct et en public nombreux. Salut à tous, amis de Bayeux. Et merci. Merci d'être là si nombreux pour ce 18-20 spécial à Bayeux, donc où se retrouvent tous les ans reporters et correspondants de guerre. À 18h15, un jour dans le monde, Irak, Libye, Gaza, Liban, nous vous ferons découvrir plusieurs reportages radio produits par la rédaction de France Inter. Nous serons également ici à Bayeux en compagnie de consoeurs et confrères de la presse écrite qui travaillent notamment sur l'Afrique. 19h20,